Le mot école se dit en chinois. 学校，学 double levé, 学校，校 doigt noir pointé vers le sol, 学校。 Est-ce que c'est le même 学 que pour étudiant et apprendre? C'est exact. 学校 veut dire école et 校 signifie 校 c'est comme un bâtiment ou comme, comment dire, un endroit. Ah, parfait. Oui, c'est un endroit pour apprendre. Donc dites-vous que certaines écoles modernes sont vraiment spéciales et les enfants, ils sont bien plus libres que dans les écoles d'autrefois. Donc dites-moi maintenant, y a-t-il des Français dans ton école? Hein, dans ton école, il y a Français plus l'interrogatif. 在, je... dans ton... 在你的学校。 Alors, il y a français plus l'interrogatif. 有法国人吗 ？Comment dit-on France？ 法国。 Comment dit-on pays？ 国。 国。Et comment dit-on école？ 学校， 学校， 学校。 Oui, 学校。 Comment dit-on dans ta maison? 在你的家里。 Et comment dites-vous dans ton école? 在你的学校里。 Alors, comment dites-vous, dans ton école, y a-t-il des Français? 在你的学校。Pardon, 学校。 Dans ton école. 在你的学校里。 Il y a français plus l'interrogatif. 有。法国人吗? Nous avons aussi la possibilité de ne pas mettre le « zài » au début. Hein. Les deux formulations sont correctes et vous les entendrez toutes les deux. Mais dans le langage familier, on nommait le « zài ». Donc, dans ton école, y a-t-il des Français? 在你的学校里有法国人吗? Dans son école, il n'y a pas d'étudiants anglais, donc d'étudiants d'Angleterre. D'accord. 他的学校里有... Vous avez oublié ne pas. Et rappelez-vous qu'en chinois, on n'a pas besoin de traduire le de employé dans la phrase française. Mais yu ying guo. Jeune. Alors, comment dites-vous étudiant, au singulier ou au pluriel hein? 学生. Et comment dites-vous, dans son école, il n'y a pas d'étudiant anglais? 他的学校里没有英国学生. Dans son école, il n'y a pas d'étudiants anglais. 他的学校里没有英国学生. Dans ton école, y a-t-il des étudiants chinois? 在你的学校有. Et comment allons-nous dire dans ton école? Alors, dans ton école, li. Exactement. Et qu'est-ce qui fait la différence alors avec il est à la maison? Et comment dites-vous il est à la maison? 他在家. Exactement. Et comment dites-vous, il est dans sa maison? Ta zai ta de jia li. Oui, et donc à chaque fois que nous indiquons dans, que nous parlons d'un bâtiment, d'une maison ou de murs de manière concrète, on utilisera le mot pour dans ou à l'intérieur, qui est li. Alors comment dites-vous, dans ton école, y a-t-il des étudiants chinois? Zai ni de xue xiao li. Y a-t-il des étudiants chinois? Yu zhongguo xue sheng ma. Comment dites-vous étudiant? Xue sheng. Xue sheng. Xue sheng. Dans ton école, y a-t-il des étudiants chinois? Zai ni de xue xiao li. Yu zhongguo xue sheng ma. Et votre réponse sera, il n'y en a pas. Mei you. Mei you. Bien entendu, vous pouvez également supprimer le zai au début. Et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des gens dans la langue familière. Alors dites maintenant, à Pékin, y a-t-il une bonne école? Donc vous avez dit, à Pékin, y a-t-il une bonne école? Oui, sans insister sur le « une ». Bonne école, d'accord. Beijing you hao sui sheng sui xiao ma. À Pékin, y a-t-il une bonne école? Beijing you hao sui xiao ma. Alors encore une fois, vous remarquerez qu'ici on emploie la formule familière et qu'on nommait le zai au début. Et maintenant, dites-moi, dans ton école, y a-t-il un bon professeur? Toujours sans traduire le un. Zai ni de xue xiao you. Dans ton école? J'ai encore oublié le li. Zai ni de xue xiao li. You. Hao. Lao shi ma. Dans ton école, y a-t-il un bon professeur? Zai ni de xue xiao li. You. Hao. Lao shi ma. Et est-ce que vous pouvez nous donner une autre manière de formuler cette phrase? Ni de xue xiao li. You. Hao. Lao shi ma. La réponse serait, non, il n'y en a pas. Mei you. Mei you. Dans mon école, il n'y a pas de bon professeur. Wo de xue xiao li. Mei you. Hao. Lao shi. Non, dans mon école, il n'y a pas de bon professeur. Mei you. Zai wo de xue xiao li. Mei you. Hao lao shi.